Bon, fait que tout fonctionne. Ouais, let's go, là. On est parti. Excellent. Ben, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et soyez les bienvenus à 70%. C'est la 28e représentation devant public. Ça se passe au Brouhaha 5860 de Lormier, Montréal. Coin des Carrières, métro Rosemont. Venez faire votre tour. Ça débute vers 19h. Yesh, les lundis. Merci à ceux qui se sont déplacés pour assister. Et merci à ceux qui nous écoutent via Ustream ou encore en podcast. Et premièrement, ce soir, c'est un événement très spécial de 70% parce qu'aujourd'hui, c'est la fête à qui? Tommy Gauthier. C'est la fête à Tommy. C'est ma fête préférée. Les invités d'honneur de 70% sont au nombre de deux et non seulement elles sont les invités de 70%, mais aussi elles seront les VJ de la soirée visionnement gratuit douteux de ce soir. Elles lancent leur album L'Apocalypse bientôt, mais ce soir, elles sont ici pour lancer leur vidéoclip Pain Blanc, mettant en vedette notre fidèle animateur Tommy. Mesdames et messieurs, accueillez Marianne et René, les deux de Deux Folles et un Banjo. Salut aux habitués, bienvenue au nouveau, mesdames et messieurs, encore une fois, comme toujours, place au spectacle. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle de choses, d'affaires. et de bidules. Ouais. Trop, y a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie, ce n'est pas simple. Mais heureusement, peut paraît-il expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Ah, hein? Est-ce qu'elle est bonne celle-là? Je l'adore, c'est elle. Pas trop vite, on a hâte de commencer. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Tommy. On est à 70%, on vient d'entendre en fait la toune d'introduction que Alexandre Côté-Fournier nous a fait. Lui c'est Alex et Arnold, il fait des tounes sur les moitiés de fruits et Arnold Schwarzenegger. Et voilà, en fait ça c'est une toune qu'il avait faite avant de connaître 70%. Et là j'ai dit ben... Et à nous autres. C'est ça. Là, il m'a fait une version edit avec une petite surprise à la fin. Là, il parle de ma sœur. Il est tellement taqué. Sinon, ben, gang de poilus, je vous énumère ça rapidement. Éric Carmen, Mathieu Boudreau, Andy Jacques, Damien Blas Bouchard, Antoine. Antoine Lavigne. Lavigne, ouais, c'est ça. Je fichais sur Toto, genre. Et peut-être que Mohamed et Simone vont venir nous rejoindre tantôt. Sinon, ben Bruno, vous le reconnaissez, toujours là, toujours fidèle. Tu vas nous parler de choses ce soir. Et d'affaires. Ouais. Et Chris, que j'ai hâte d'entendre parler de ça. D'habitude, il parle des choses qui sont dans l'univers. Là, on va peut-être cibler un peu. Sinon, ben voici nos deux invités de ce soir. Vous les avez reconnus, c'est sûr. Ça vaut la peine d'applaudir encore une fois, Marianne et René, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tommy. Hey, salut. Deux folles. Bonsoir. Et un banjo. Moi, j'ai tout le temps été très inconfortable avec le nom de votre band parce que, mettons, il y a beaucoup d'autres personnes qui mériteraient de se faire appeler folle avant vous autres, si je peux utiliser cette formulation-là. Mais en même temps, ça fait peut-être partie de la dérision de ce que... Je ne sais pas, pourquoi deux folles? Parce que c'était clairement mieux que notre premier nom qu'on avait choisi, qui était... DFQGDM. Qui était deux folles qui gueulent de la merde. Ça non plus, t'aimais pas ça. Ça, j'aimais ça encore moins. Parce que là, être folle, tu sais, c'est une autre affaire que juste pas mériter de parler, genre. Ça nous Tommy, ferme Facebook. Hein? Mais ça, Tommy, tu nous demandes comment ça se fait qu'on s'appelle deux folles. T'as-tu vraiment écouté nos chansons? Ben oui, j'ai écouté vos chansons souvent, là. Écoute, même je suis allé à plusieurs shows, vous parlez. Moi, celle du hot dog, là. Au moins, il y a de l'amour, tu sais. Peut-être la résumer aux gens, je veux pas gâcher des punchs, là. Ben, dans le fond, c'est... Pour résumer la chanson Hot Dog, ben, ça parle de l'origine du hot dog, hein, comment c'est arrivé dans nos vies, puis comment les animaux s'y sont pris pour rentrer dans des canages pour ensuite fitter dans des hot dogs. Tout content! Vraiment content. Est-ce que vous avez un animal préféré? Oui. Ben, en fait, j'en ai plusieurs qui se combattent. T'as plusieurs animaux préférés. Puis mettons, genre, de tous tes animaux préférés, c'est lequel ton préféré? Oh, René! Ce serait le wombat. Le wombat, hein? Ouais. Ça, c'est comme Taz, mais qui existe, genre. C'est un gros rongeur violent, là. Ouais, quelque chose. Non, il est pas très violent. Il est gentil. C'est comme un petit ourson hamster avec des c'est dents. Tout doux, c'est mignon. Il fait des crottes cubiques aussi. Des petits caca cubiques. Et c'est très esthétique. Des caca cubiques, c'est très esthétique. Et puis sinon, à part le wombat, je pense que t'as une fascination sur les pieuvres aussi. Oui, mais je merci de ne pas le mentionner parce que tout le monde me donne des hosties d'affaires avec des pieuvres dessus. Puis je suis un t'es peu tanné, là. Ok, fait que t'aimerais ça que ce soit du wombat. J'adore les pieuvres. Non, donnez-moi pas. J'aime pas les objets à l'effigie des animaux. J'aime les animaux, mais comme. Non, une fois que c'est dit en public. Est-ce que t'aimes les hentai avec les tentacules, genre? Ben ouais, c'est ça. Une graine de japonaise, quelque chose. Je sais pas. C'est comme ça que ça s'appelle une graine de japonais? Ben, je sais pas, c'est comme, mettons, une graine de vainqueur, mais là... Ah, ok, je pensais la tentacule. Je veux dire, aimer les tentacules et le sexe ensemble, ça se passe sur une île. J'essayais de faire une joke avec graine, Tommy, là. Même pas. Je te jure. Ben, la joke était involontaire, Bruno. Andy nous fait signe de passer à autre chose. Donc, moi, comme le veut un petit peu la tradition, de toute façon, vous allez passer le show avec nous. D'habitude, quand c'est mon anniversaire, ça fait 3 ans que je fais ça, puis je raconte une anecdote intense de mon existence et de mon existence. Et cette fois-ci, c'est la première fois que je vais le faire au micro, enregistré, diffusé. D'habitude, c'est les personnes qui étaient là. En 2013, quand j'ai commencé, c'était... je me suis excusé, vu que sûrement que c'est rendu impossible, là, vu que j'ai vraiment foncé dans une vieille madame en bicycle au Danemark et je m'en veux encore souvent. L'année passée, c'est une fois que j'ai failli tomber en bas d'une falaise, puis je me suis raccroché d'une main à la John McClane le fait que j'aie pas eu peur, ça m'a pas mal marqué. T'as-tu survécu? Oui, ça a bien été. Oui. Même un peu comme dans, dans V pour Vendetta, là, quand la fille, là, elle passe au travers, puis tout, là, tu sais, je suis remonté, j'étais beaucoup plus léger d'une manière que j'ai jamais revécu. Mais là, ce que je veux vous raconter... C'est la fois que j'étais en train de cueillir des cerises avec mes deux petits frères, avec mon petit frère et un ami. On était au BC, à Osoyoos, pas loin de Oliver. On cueillait des cerises et je sais pas si vous avez déjà entendu un coq qui chante pour réveiller les gens le matin. Tu sais, on lit, nous autres, des bandes dessinées des fois où on l'entend dans les cartoons et ça fait « Ah, ah, ah! » puis c'est fini. Il y a toutes sortes d'espèces de coqs, OK? On était, nous... Il commençait à 4 heures le matin, puis c'était plus comme... C'est une belle imitation. Puis il faisait beaucoup. C'est pas il fait une fois, puis c'est fini, là. C'est aux 20 secondes, il en relance un. Fait que là, Chris, tu te lèves, tu commences à travailler, mais lui, il arrête pas, tu sais. Fait que là, regarde, le message est passé, on peut-tu passer à autre chose? Puis non. Fait que là, il me réveillait, puis il fallait qu'on passe à côté de sa cage pour s'en aller travailler sur la terre, genre. Et puis, en passant à côté de sa cage, je le menaçais, je disais, ta gueule, à un moment donné, ça va mal finir. Si t'arrêtes pas, moi, je m'en rappelle, tu sais. Puis là, il a été mis au clair tout l'été, puis à un moment donné, j'ai demandé par hasard au boss, j'ai dit, ça vaut comment un coq? Tu me le vendrais combien? Et puis là, il a répondu, peut-être la chose qui a comme fait débouler tout l'événement, il a répondu, finissez mon champ de maïs, puis je vous le donne. Puis moi, dans ma tête, là, ma source d'argent, c'était de faire son champ de maïs. Fait que je me suis dit, s'il me le fait à 20-30 piastres, je suis assez payé à faire son champ de maïs. Fait que tu sais, il a été loser, le propriétaire. Fait que là, le destin a voulu que, tu sais, fait que là, OK, c'est bon. Fait que là, toutes les fois qu'il nous réveillait le matin, à cette heure, je passais à côté, je disais, t'es mieux de fermer ta gueule, man. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de champ de maïs, puis tu vas être rendu à moi. Puis je le tenais au courant. Tu sais, je disais, là, il nous en reste deux jours. Ferme ta gueule, tu sais. Puis j'y aurais laissé. T'sais. Fait que là, finalement, on a fini le champ de maïs, ainsi vont les choses. Fait que là, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait avec, Chris? On le mange, tu sais, voyons. OK, à cette heure, comment qu'on le mange? Ça a l'air de rien, c'est petit, c'est pas gros, mais se faire graffiner, ça fait mal, tu sais. Fait que là, on a pas de gants, on a pas de machette, à rien. On check auto, il y avait une pelle. Et moi, je vous raconte ça, c'est tout vrai et je le regrette beaucoup. J'espère que vous allez changer votre nom pour le mien dans l'anecdote en vous disant que vous l'avez essayé, vous autres aussi, pour avoir la rote au party de famille. Allez pas jamais refaire ce que je suis en train de raconter. Mais bon, je me souviens, je suis rentré dans la cage avec le coq et les poules. Et toutes les poules sont allées dans un coin et le coq tout seul est allé dans l'autre. C'était personnel, ça fait longtemps, tu sais, on s'entend. fait que là... Je me suis approché et là, le coq, il m'est passé entre les jambes. Puis mon frère puis mon ami en arrière, ils l'ont pas arrêté. Fait que là, le coq est allé se sauver. Il est parti. Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être la fin de l'histoire. Puis, tu sais, dans le fond, la morale, c'est qu'il est parti. J'avais encore la pelle dans les mains, je me rappelais. puis là, l'ami de mon frère, il dit, non, tu vois, il va revenir, attends un peu. Puis Chris, je me suis reviré, il était là. Fait que, ah, misère. T'sais, t'aurais pu t'en aller, là, t'sais, j'y aurais laissé. Mais bon, c'était à moi, en plus, là, c'était un moment-ci dans l'histoire. Fait que là, finalement, il retourne dans le poulailler, puis là, on se dit, OK, fais ça de même, fais ça de même. Puis là, j'arrive en avant, puis... Paf! T'sais, j'y ai donné un bon coup up and down, puis là, il a commencé à... Je suis pas fier, là, tu sais, c'est moi qui l'a fait souffrir, tu sais, puis il marchait croche comme ça, puis fait que là, je me suis dit, il m'a l'achevé, tu sais, puis... j'ai donné un autre gros coup de pelle à la golf, là, il a revolé, puis il marchait encore, tu sais, oh non! Là, le coq marchait encore, fait que là, à un moment donné, j'ai mis ma botte sur sa tête pour le noyer, tu sais. Ah, je suis pas fier de moi, hein. Et là, après ça, ben là, on avait le coq. Fait que, tu sais, il était mort, là. Faut en faire un lunch. Parce que sinon, il y a beaucoup de gaspillage. Fait que là, ben, on a commencé à travailler là-dessus. Le truc, c'est de faire bouillir de l'eau et de mettre le coq dedans. Après, ça s'éplume bien. Et puis, ça nous a fait un bon lunch, là. C'était un peu raide, parce que quand que tu tues quelque chose avant qu'il... En tout cas... Parce qu'il est mort nerveux. Oui. Et donc, c'est un des événements de ma vie que si je pouvais recommencer, je ferais vraiment pas la même chose. C'est sûr et certain. Faites confiance aux abattoirs. Tu iras avec une chaîne, ça? Non, je Chris, moi, le laisser vivre. Ben. C'est à moi, il va taper ses nerfs sur d'autres personnes. Là, où tu fais juste le relâcher et la nature s'en occupe. Non, en fait, tu l'envoies à un de tes ennemis pour qu'il se fasse réveiller à tous les matins avec ton coq. Ça passe? Ouais, tu le caches dans un mur. Oh oui! Dans un mur, c'est une bonne idée, ça! Je sais pas, mais ça, c'est sûr que cette fois-là, ça réagira pas pareil. Je te sens un petit peu brassé, Marianne, ça va bien? Oui, ça va plutôt bien. OK, oui, c'est oui, bon. Donc sinon, à partir de maintenant, je sais, toi, tu joues à Magic. Je t'ai montré comment faire. Je t'ai même battu. Avec mon deck d'oiseaux, oui. René, est-ce que tu joues à Magic? J'ai déjà joué quelques fois. Mon chum de l'époque m'a eu finalement parce qu'on était en voyage, puis des longs voyages de train. Finalement, j'ai appris à jouer. Pis on avait acheté des cartes en allemand, on comprenait rien. Puis C'est pas pire, j'aime ça. C'est couillu. Quand même. Ça peut créer de la chicane. Ouais, c'était ma seule expérience. Ça rend mon bon fort. Tu vois, je vous avais donné mes dernières cartes en fait. En allemand, ouais, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est vrai ça. Puis sinon, ben, vous êtes quoi? Ça fait 2 ans que ça existe, 2 folles et un banjo. Ça fait pas maintenant 3 ans? 3 ans, je pense. Oui, je pense que maintenant, ça fait 3 ans. Ça apprécie, hein? Dans ce temps-là, on était pas mal pareil. Ouais, c'est ça. Et puis, ben là, il y a l'album qui s'en vient. Avez-vous une tournée d'emmagasiner, quelque chose? On va en parler un petit peu avant de débouler dans le show, là. Ben en fait, pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est c'est naturellement le build-up vers le lancement de l'Apocalypse qui aura lieu au Quai des Brumes le 18 avril, en plein milieu du mois international du Grilled Cheese. Yes! Yeah! Et voilà, le grilled cheese a des fans. Le on n'a pas choisi la date n'importe comment. Non. On laisse pas ça au hasard, ce genre de choses. Ben, j'aime ça. Puis, ben, je sais pas, là, ça va bien. Ben oui, ça va, ça va, ben oui, ça va plutôt bien. Il y a des, on a fait des enregistrements, il y a des teasers de l'album qui vont sortir, dont, entre autres, Andy, qui est présent sur ton show, est un des acteurs. Hmm? Non, mais ce soir, c'est notre show. Ouais, non, ça, c'est Et vous êtes VJ ce soir. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose en particulier? C'est la première fois que vous allez être VJ pour nous autres, là. Oui, Marianne a choisi plusieurs chansons très gossantes. Puis moi aussi. Des vidéos pertinentes, des trucs sur la nourriture, des ben sur les poodles, des trucs. Voilà. Ah, ouais, ça donne le goût de rester. Écoute, mais je te jure, ça, tu vas te faire brasser le cerveau. Hein. Il y a des bouts que moi-même, au bout d'un certain temps, il y a des flips qui se font dans mes cellules. Ça, hey, mais ça parlant de poulet, j'ai fait un montage pour ce soir et c'est. C'est un petit montage 4-5 minutes genre, sur Chicken Boo, Poule Boo. Je sais pas si les gens le connaissent. Vous avez poulet géant dans les Animaniacs. J'aimais beaucoup ça. J'ai hâte de voir ça. Fait qu'il va y avoir beaucoup de créations originales à vous pour ce soir. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent pour des vidéos. Quelques-unes. Sinon, ben j'en profite pour féliciter Caroline qui nous a refait le Yuki en version. Poisson à trois yeux, c'est de il toute est magnifique. Beauté. 2.0. Ah, yeah, c'est, ouais, il est orange et brun, les couleurs les plus pures. Merci beaucoup à Caroline. Et sinon, ben, il y a un light bright pour l'enquête tantôt. C'est vraiment une belle soirée. Moi, j'aime ça, c'est ma fête. Je viens de raconter quelque chose que je suis pas fier en Chris. Là-dessus, on commence le show. Ok, non, mais écoute ça. Oh shit! Oh yeah! Ok. Oh wow, it's good dans un show rock. Le chanteur de Queen! Yeah! Fait que je suis trop grand pour cette affaire là. Non, Tommy, je vais pas faire des nouvelles à soir. Mais je vois que t'as des affaires décrites sur ton pad. J'ai quand même des affaires décrites sur mon pad. Puis tu t'es habillé tout beau. Je me suis habillé tout beau. Écoute, je sais pas s'il y a des gens qui se doutent qu'est-ce que je vais faire. Ce soir, je suis honoré d'être le premier à rendre honneur. Car oui, mes collègues ici présents sont sûrement tout aussi prévisibles que moi et ont préparé quelque chose de spécial pour ce gourou des temps modernes. Parce que veux pas, tu t'approches des 40 piges, là. Grand rassembleur de nerds laissés pour compte, endommagés, fuckés et autres aspergés de ce monde. Celui qui dit oui à tout le monde et finit par s'aliéner la moitié de ces gens-là dans le processus. Tommy Godette, bon anniversaire. Tommy, je le connais tout d'abord à cause de cette émission-ci, 70%. À l'époque, on était à Choc.ca, qui s'appelait Choc FM, dans le temps, jusqu'aux nombreuses coupures budgétaires qui ont fait que les analystes financiers de la station décident d'arrêter de donner la somme exorbitante pour conserver le nom de domaine aux États fédérés de la Micronésie, petit pays de 108 000 habitants duquel émanent les domaines .fm et dont l'économie principale est générée par la vente de domaines .fm. Mais je m'égare. C'est presque une nouvelle, ça. C'est presque une nouvelle. Nous étions donc à Choc FM, à la radio web de l'UQAM, l'alternative urbaine, où j'ai commencé mon rôle de lecteur de nouvelles à l'époque avec Israël Trudel-Denis à la co-animation, puis c'était pas mal ça. Pourquoi je raconte ça? C'est pour vous montrer à quel point Tommy Godet est un être rassembleur. En effet, dans l'histoire de 70%, je peux confortablement arriver à être passé au travers d'un bon 8 équipes distinctes d'animation, sans compter les éditions spéciales. Tous des gens qui sont venus faire de la radio avec nous et pour finalement dire fuck off, je peux faire mieux que ça. On pense ici à Julien Bernatchez, Guise de Pessemier, Étienne Forêt, Stéphanie Gallagher, Simon Predge, Emmanuel Séguin, Evelyne Potvin-Cloutier, Jessica Lesage, Lucie Riffard. Est-ce que j'en oublie? Ben, t'en oublies beaucoup, mais c'est quand même assez. Et bientôt vous tous. Est-ce que ça a battu Tommy? Non! Tommy garde le moral, Tommy garde la même formule. Parce que Tommy... <rire> Parce que Tommy est un exemple de ténacité. Il a parti douteux.org dans son sous-sol quand il était au cégep. Au cégep. À l'époque, ça lui coûtait personnellement 3$ par semaine pour louer un mauvais film et regarder ça avec 3-4 de ses amis. Aujourd'hui, douteux.org est dans 5 bars au Québec. Ça se passe tous les lundis soirs. L'équipe de bénévoles stagne à vue d'œil. Et ça coûte à Tommy 45$ en bouffe, en bière et en taxi chaque semaine. Ça, c'est de la croissance. Depuis qu'on s'est rencontrés, Tommy et moi, on suit un peu partout, 70% douteux.org, les coliques, mais aussi des affaires utiles comme la job, par exemple. Certains se souviendront de l'été 2008, pas moi. Non, parce que c'est l'été que j'ai décidé que j'allais essayer toutes les drogues que j'avais pas encore essayées. Je travaillais pas cet été-là parce que mon patron au cinéma du parc, le légendaire Roland Smith, avait décidé de me donner des vacances prolongées payées par le chômage. Vacances qui sont toujours en cours, d'ailleurs. Tu m'appelles quand tu veux, Roland. À la fin de cet été-là, Tommy Gottet était sur le point de devenir mon gérant à l'Auberge du Dragon Rouge, restaurant thématique moult médiéval, ma foi. Un emploi que j'ai occupé pendant 6 ans et qui consistait principalement à insulter les clients pour leur plus grand amusement, fonction dans laquelle Tommy Gottet excellait, d'ailleurs. Ai-je le besoin de le mentionner? Ah, j'étais bon. Insulter des étrangers, là. Trouver la switch qui est titille, là. Je suis bon. Après que Tommy Gottet ait perdu son emploi pour des raisons encore mystérieuses, c'était mon tour de lui rendre service en lui trouvant un emploi dans un parking souterrain du centre-ville. Petite anecdote là-dessus, d'ailleurs, je me souviens très bien avoir dit à Tommy, habille-toi propre pour l'entrevue. Pour une job dans un parking souterrain, là, on s'entend. Fait que si vous voulez savoir c'est quoi propre pour Tommy Gottet, une calotte filet Loto-Québec, un t-shirt graphique peut-être humeur design, gris BS, des bermudas, des sandales, un Nintendo DS avant l'entrevue. Chris, une chance que j'ai pas dit habille-toi normal. Ben, je m'en rappelle pas de ce bout-là. Fait qu'il y a eu la job. Hey, job de rêve. OK, je vous fais le pitch. Petite boîte vitrée en rip pressé, vue sur mur de béton. Emploi qui consiste essentiellement à peser sur un piton pour laisser passer des banlieusards qui retournent chez eux à l'heure de pointe. Aucun contact humain digne de ce nom. Deux anecdotes savoureuses à ce sujet, d'ailleurs. C'est l'emploi dans lequel le plus d'animateurs de 70% ont travaillé, car Mathieu Boudreau, ici présent, y a occupé un poste, et Julien Bernatchez aussi a aussi évolué. Et toutes les étapes de mon suicide ont été planifiées là. Là, c'est le mois d'anniversaire de Tommy. Ça fait depuis le 1er mars qu'il nous en parle de façon subtile et diplomate. Certains diront, voyons, il est ben gossant autour de sa fête. On dirait qu'il parle juste de lui, pas moi. Moi, je vais leur dire, il parle juste de lui à longueur d'année. Oui, Tommy Gottet est très loquace et il s'aime beaucoup, mais il aime encore plus l'attention. Là, vous me direz, on est tous un peu dans cette situation-là. Nous, lecteurs de nouvelles, danseurs, humoristes, musiciens, imams, humoristes, Mohamed vient d'arriver, animateurs, humoristes, Andy, c'est quoi tu fais déjà? Mais Tommy, c'est le meilleur de nous autres là-dedans. Il a un talent inné pour voler le spotlight à n'importe qui. Tommy, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Puis pour vrai, je veux juste que tu saches que si j'ai été capable de t'endurer aussi longtemps, c'est pas seulement parce que j'ai une patience infinie. Puis c'est pas non plus parce que je ressens une responsabilité parce que je sais que si tu fais quelque chose sans moi, ça va être poche. C'est parce que je te respecte, t'es un gars intelligent, t'es un gars intègre, t'es une des plus belles personnes que je connais, puis je t'aime. Oh! Yeah! Bruno! Hey, là, il faisait pas de nouvelles, fait qu'il y aura pas deux shots, là. T'arrivera pas à la fin, là. Non, ok, c'est bon, je pourrais être sûr. Merci beaucoup, Bruno! Ah, c'est, avec plaisir. T'es pas mal imprévu, ça. J'étais pas, moi aussi, j'avais pas, j'ai écrit ça sur le bol tantôt. l'inspiration. Bon, ben, on poursuit. Ça commence bien, ça commence bien. Qu'est-ce que je dis, là? Je dis, vous écoutez... Laisse parler ton cœur. Oui, ouais. Même, rappelez-moi le titre. 70%. Ouais. Ben, c'est bon de même. Non, mais c'est plus moi de le demander avant. T'sais. Ben oui. Alors, un indicatif. Alors, vous écoutez 70%, ici Philippe Schnob. Non, c'est pas bon, ça. Attends. Bon, on peut le reprendre. On peut le reprendre, hein. Ben, on va garder celui-là, mais on peut vous faire accroître. OK. Ben, ici Philippe Schnob, ça m'a fait plaisir de participer à 70% et sachant qu'on peut le réécouter et écouter aussi sur Internet, ben, ça me fera plaisir d'aller jeter une oreille à l'occasion. Bonsoir. Hey, salut Andy. Comment ça va? Ah, ça va bien. Andy. Il se passe de quoi aujourd'hui? Ben, c'est 70% comme à chaque lundi. Ouais. C'est aussi la fête de Coralie Laperrière. Ah ouais? C'est sa fête pour de vrai? Moi, c'est ma seule autre amie Facebook. Là, j'y ai chanté, tu sais, ma fête, ce n'est pas la tienne. Tu as ta fête, alors laisse-moi la mienne. Puis elle a pris son trou. Elle a pris son trou, hein? Ça a l'air de rien, mais j'étais en train de me battre. OK, bon. Oh oui, ça va. Pour être super original, m'a fait exactement ce que Bruno a fait. Oh non! Mais différemment. Moi, je t'aime pas vraiment, fait que ça, c'est correct. Ah, c'est ma fête, mais on n'est pas obligé d'en parler autant, là. Oh non, je sais. OK. Étant donné que c'est la fête à Tommy, j'ai décidé de ressortir ma chronique, celle qui a pas pogné jusqu'à maintenant. Qui est Tommy? Donc, j'ai travaillé fort, ça fait quand même quoi, 4-5 ans même qu'on habite ensemble maintenant. C'est vrai, c'est ça vrai. Ça fait 37 ans aujourd'hui qu'on est cousins. C'est vrai. Ouais. Et j'ai choisi un top 5 de choses que vous savez pas de Tommy ou que vous avez aucune idée. En cinquième position, Tommy adore les elfes. Ah, même moi, je sais pas ces affaires-là. Genre, okay. Non, mais il les adore vraiment tellement qu'il peut en parler pendant des heures. Là, mais des heures. Si je me trompe pas, sans contredit, ses préférés, c'est les elfes de la vapeur. Ça, c'est sûr et certain, c'est les meilleurs. Ben, déjà, en partant, c'est des grands producteurs de produits locaux sans gluten. Fait que ça, je sais que t'aimes quand il n'y a pas de gluten dans tes affaires, toi. En quatrième position, si vous voulez capter l'attention de Tommy, ça a l'air difficile, la manière je le dis, mettons, là. Parlez-lui de vos cheveux. C'est extrêmement important. Il vous l'avouera jamais, mais... il s'intéresse à la science capillaire, puis ça depuis qu'il est tout petit. Là. Oubliez pas de lui parler des émotions que vous ressentez quand vous lavez les cheveux, quand vous coupez les cheveux. Il s'en délecte. N'oubliez jamais ça. Ah oui, troisième position. OK, ça va peut-être être une surprise pour vous autres. Là. Tommy n'aime pas fêter sa fête. Pour de vrai. D'ailleurs, c'est la chose qu'il déteste le plus au monde. Tellement qu'il a transformé sa journée de fête en mois de fête pour diluer les suets. Au lieu d'avoir un concentré de bonne fête le 23. Aussi, pis ça, il m'en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'il aime pas, c'est d'être bélier. Parce que selon lui, les béliers, c'est comme t'sais, les gens qui ont ça comme signe astrologique sont plates puis pas de saveur. Donc, en déplaçant à sa guise sa fête dans le mois de mars, il peut enfin se prétendre être un poisson, le signe majestueux de l'horoscope, tout le monde le sait. Ça ressemble à une sirène, des fois. Ben oui, voilà. À moitié, là. Qui n'aime pas t'en vois un passer vite. Ben c'était ouais, un poisson ça. C'était une sirène? En deuxième position... pénis. Ouais! Et en première position, Tommy adore les chanteurs populaires. Ça, c'est sans contredit. Que ça soit Boom Desjardins, Lara Fabian, Cain, ou tous les autres, ils consomment d'ailleurs leur musique d'une façon compulsive. D'ailleurs, oubliez pas, ce soir, il y a karaoké, donc oubliez pas de lui faire chanter les meilleurs artistes que vous avez. Oh, dites-y pas. C'est super important de pas lui dire. Puis, je viens de flasher. Je t'ai préparé un petit poème, Tommy, de ton artiste préféré. Ça, oh non. Ça a été... Ça a été très dur à écrire. J'ai été obligé d'y mettre tous mes démons à profit. Oh. Oh, man. Même le cadre du poème est infesté de... Je me promène au gré des saisons, poussé par le vent. La vie nous fait la cour, on y croit et pourtant. Quand on commence à s'aimer, on commence à se quitter. Ça serait trop cruel que notre histoire s'arrête, même si c'est loin d'être celle de Roméo et Juliette. Je suis membre viscéral, membre du règne animal. Si tu me trouves étendu un matin sur le plancher, ça va fêter, on va rocker, je te jure que ça va lever. Dans mon livre à moi, ça va fesser. Tu m'avais dit les mots les plus doux. Le loup voulait ma peau. Heureusement, tu changes tout. Allez, viens, je te paye une broue. Toi, t'as le cœur à la bonne place. Je fracasserai la mort et les années qui passent. Dans les brumes de ta bouche, je me suis réveillé. C'est une histoire banale. On vient de se rencontrer. S'il faut trancher sa peine pour partir sans regret, si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. C'est comme du bonheur en bouteille, toujours aussi tendre que la veille. Oui! Vive le cul! On est donc bon tout nu. T'as eu ce que t'as voulu. Cette fois, je reviendrai plus. Des émotions. Hein. Hey, c'est un témoignage, ça, Tommy. C'est vraiment beau. Merci beaucoup, Andy. Ça paraît que tu me connais vraiment bien, surtout pour le point numéro 2. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'Andy a dit tout à l'heure qu'il faisait tout et il fait sosie d'Éric Lapointe. Oui. Ouais. C'est vrai, on a déjà remarqué ça. Pour ma fête. Oui, mesdames, est-ce que, chanteur québécois, avez-vous une inspiration peut-être pour Deux Folles et un Banjo? Est-ce que. Ben, moi, je dirais Plume, la traverse, là. Plume, OK. Moi, j'aurais dit Normand Lamour, tu veux? Ah, bon, un mélange de Plume et de Normand. Ça va bien. Ça va bien. De Garou, un peu, aussi. Non, fuck off. Ben, non, mais j'ai une de ses chansons dans la tête depuis maintenant 3 semaines, donc... Attends, je vais peut-être l'exorciser ce soir. Est-ce qu'on la devine? Est-ce qu'on... Oh, grand Dieu. C'est laquelle? Je sais pas, moi, c'est tout le temps Seul que j'ai dans la tête. Seul. Seul, hein, c'est lui voilà, qui c'est n'a jamais été tout seul. Oh, hey, là, pendant sa vie. Oh là là là là. Le fond de la nuit, hein? On a ici une petite prestation spéciale. Fais-nous ça éclair. Étienne Lapointe, s'il vous plaît, on l'applaudit pas. Go! Alors, voici maintenant. Il y a du monde qui ont perdu. Top 10 des meilleurs top 10. Numéro 10, top 10 des meilleures recettes de pois chiche. Original du Bigfoot. Numéro 9, 10 façons que Superman peut tuer Batman. Numéro 8, top 10 des plus beaux buts de Jeff Hackett accordés pendant son année recrue. Numéro 7, top 10 des pires formats d'emballage de Craquelin Ritz. Numéro 6, top 10 des meilleurs albums best-of de groupes trop défoncés pour faire un vrai album, mais qui ont besoin de cash, là, drette là, tout de suite. Survivor. Numéro 5, les nominés pour l'Oscar du meilleur product placement dans des films indie. Oui, il y en a 10. Numéro 4, top 10 des citations de Bill Nye, The Science Guy, attribuées à Kathleen. Numéro 3, top 10 des rituels vaudou les plus discrets pour faire fuir les gossous. Numéro 2, pour Tommy, vu que c'est sa fête, top 10 des meilleures cartes bleues à Magic. Et numéro 1 du top 10 des top 10, c'est le top 10 des top 10, genre. Yeah! Merci beaucoup, très pertinent. On poursuit le show. On s'est mis top 10! ما بين شي مخبى الشمس بيقر شي مالي عازي بس مش مطول غدا يوم افضل يوم اوي شانتي لي بارول بلي كنيسي Assalamu alaikum Québec. Alaikum salam. Non, c'est pas salami et bacon. Salut, Moustapha! Salut, Tommy! Comment ça va? Quand t'étais pas là, on t'appelait Mohamed. Ouais, je sais. C'était du racisme volontaire. Clairement. Appliquer, mon gars, haut et fort. Ben, c'est bien d'appliquer du racisme volontaire quand tu l'assumes, je pense. T'es, contrairement... Je sais pas si c'est bien. Ben, oui, en quelque part, je préfère du racisme honnête, t'es, contrairement à ce que Netanyahu a fait, là, comment il s'appelle, là? Ouais. T'sais, il est là, en train de faire, oh non, la droite, les Arabes, oh, faut toutes les exterminer. Non, plutôt, la gauche, les Arabes, faut toutes les exterminer, puis aujourd'hui, c'est comme, non, je suis pas fin, là. J'aurais pas dû dire ça. J'avais préparé tout un gros affaire dessus, mais... un dossier sur Netanyahou puis les élections. Ouais, ouais, tout ça, mais après ça, Facebook m'a dit comme quoi que c'est ta fête. Ah, oui, c'est vrai. Fait que j'ai tout scrappé ça. Pourquoi ça? Juste pour toi. Ah, ben merci, c'est toi. Vrai que c'est plate en parler crise, des vraies affaires. On parlait des vraies affaires. Fait qu'on est en train de faire eulogie à Tommy ou quoi? Ouais, ben jusqu'à date, là. J'espère que c'est pas ça tout le show, là. Ok. Une eulogie à Tommy, parce que, évidemment, aujourd'hui, j'ai apporté un petit cadeau pour Tommy. Enfin, quelqu'un qui pense à moi. Ouvre-le pas. Tu prends le métro ce soir? Ok. Ouvre-le dans le métro, quelque part de public, où est-ce qu'il y a plein de monde. Il y a un cadran, c'est le fun, ça va être un. C'est un cadeau pété. Ouais! C'est pas stylé. Je l'aime. Tu l'aimes, hein? Oui, non, ouais. Mais en fait, je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé, Moustapha, là, genre au mois de janvier, tu t'es fait body snatcher par quelqu'un de drôle. Non, c'est le... C'est écœurant depuis, là, c'est vraiment bon. Là. Ah, en tout cas, je te laisse aller. Toto, c'est juste de la dépression, c'est tout. C'est régulière, habituelle, c'est juste ça, là. Fait que j'ai pensé t'offrir deux choses pour ta fête. Autre, évidemment, la petite surprise, là. La première, c'est t'écrire quelque part sur, comme, ta face, ton nom en arabe. Go. Fait qu'on va faire ça? Bon, ça, on fait pas ça live. OK, on va faire ça tantôt. Okay. Mais on le fera après ta chronique, tantôt. Tu viendras me le faire. Ben oui, pendant que quelqu'un d'autre parle, comme ça, tu l'écoutes pas, tu l'interromps long, pas. C'est long aussi. Vous avez vu comment vous écrivez? Ça doit prendre 10 minutes. Ben non! C'est comme la langue elfique, c'est plus facile que tu le penses. Ouais. Je le sais que t'aimes ça, les elfes. Je sais, Andy l'a dit. Il l'a confirmé, là. Ouais, ouais. L'autre envers, c'est que je vais t'apprendre à chanter « Bonne fête » en arabe. Ah oui! Ça, je l'apprends, par contre. Fait que tout le monde veut l'apprendre, là? Oui! Ah, shit. Puis vous aurez pas le droit de la faire parce que vous allez être poursuivi par EA, par Time Warner. Time Warner? Ouais. Happy birthday, ça appartient à quelqu'un. Ah, mais en arabe, c'est pas grave. C'est pas la même mélodie? Non, c'est carrément la même mélodie. Ah, ben, OK. T'es fourré, man. Ah, fuck. Tu sais, sortir le punch avant que ce soit le temps, là, Bruno? Excusez. Merci. Je pensais que ce serait une autre mélodie. Non. Il me l'a déjà fait, Bruno aussi. Tu as des punchs, il fait ça, Bruno. Ouais, je sais, il fait ça. Tout le monde a tueur de punch. Laissez Bruno tranquille. Si je suis capable de le voir venir, c'est pas un punch. 2-0, on passe pas en prolongation. Let's go, Moustapha, okay. Fais ça. Fait que ça commence. Sana helwa ya gamil. Sana helwa ya gamin. Sana helwa, sana helwa, sana helwa ya gamin. Fourré dans ta tête. Fawad Bildras. Comment ça se dit fourré dans ta tête? Je pense pas que c'est fourré. Comment ça se dirait? C'est pas. En musulman. Musulman! Non, mais je suis d'accord avec Andy. En musulman, ça doit pas exister. Je suis d'accord. Oh, joke raciste, gars. Vas-y. Ah, si, ok, ouais. Hein. Maman? T'es-tu rendu au bout de... Hein? Oh, ouais, t'as scoré, t'es con. On sait que je suis capable d'en sortir des jokes racistes de ta mère. Ben, en c'est ta mère, en fait. Je vais en mettre les deux en même temps. Ouais, c'est bon. Pas de problème avec les théorèmes du tout. On est-tu rendu à la fin de ta chronique, ou... Ben, j'avais pensé de chanter n'importe quoi en arabe, mais je pense que c'est un peu trop. Ouais, c'est un peu trop n'importe, c'est n'importe quoi. Shumaken. Je veux pas... Quoi, comme la tune de ta mère? Shumaken! I'm talking like Shu! Shumaken! Shumaken! Kentraufen! Hattetrikine! Calvaire! Où t'es les ma fille chibaina? Ben, il est plus capable. Je suis capable, je suis en train de mourir de l'intérieur à chaque parole. Ben, en tout cas, au moins, on l'a entendu d'une nouvelle manière. Ça, on va merci faire beaucoup, ça. Merci beaucoup, Moustapha. Salut! Ouais, oh, ouais, tu viendras m'écrire le nom. Ça apprécie, hein? Okay. Ouais, ouais, ben, où tu veux, là, dans mon front. Hein. L'important, c'est que le show must go on, puis check ben. Mesdames et messieurs, vous écoutez le Super Plus sur DTD. Ok, ok, ok. Là, tout le monde est là. Une affaire à dire, ok? C'est pas parce que t'es un gars ou que t'es une fille que t'as pas besoin d'écouter mon message. Moi, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé, c'était ta fête. J'ai rien préparé. Bonne fête! Ok. Là, on va oublier ce qui s'est passé. Ok? Parce que cette semaine, j'ai envie de vous parler un truc pour vous autres, les chums. Comment cruiser des filles. OK? Parce que moi, c'est ça que je fais. Je suis un coach de cruise, OK? OK? Fait que là, avec l'ère des nouvelles technologies, on est devant un monde du lendemain qui est plein de chiffres, qui est numérique, qui est technologique. Pis c'est pour ça que j'ai envie de parler de Tinder. Donc, c'est pourquoi j'ai intitulé le titre de ma chronique « Derrière chaque face, il y a des fesses ». OK, le concept de face, OK? C'est quoi une face? Comment tu fais pour reconnaître une face? Avez-vous étudié en psychologie, pas de mathématiques, au cégep Saint-Laurent? OK? Il y a un concept, c'est une gestalt, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, bang, une main, je la referme. C'est la même chose avec une face. Quand je vois ta face à toi, Andy, je vois pas tes yeux, ton nez, tes oreilles, ta bouche. Je vois Andy, je vois ta face. C'est la même chose avec une face. Gestalt, pow, on met ça ensemble. Bang, bang, bang. OK, on reste ensemble. Matière première. La face, c'est la première matière première de l'ère technologique. Pourquoi? Parce qu'avec la multiplication des images, on est rendu qu'il y a plus de faces. C'est comme si chaque personne avait des faces dans son téléphone. C'est clair, on voit des affiches, il y a des faces. Tu vas sur ton téléphone, il y a des faces. Facebook, c'est coté à la bourse, il y a des faces. On est capable de coter des faces à la bourse. Puis vos faces valent quelque chose. Ça, je vais vous le montrer. Les gars, tu penses que t'as une face de cul? Non. Faut pas avoir la face dans le cul. Parce qu'au moment que t'as un cul, c'est là que t'as une face. Puis c'est là que je vais revenir. Mon premier point. Premier point. OK, on est dans un bar. Pensez que Facebook, c'est arrivé de nulle part. Mais non, c'est né dans le concept de voir des gens. Parce que, c'est sûr, tu pourrais faire l'amour à toi-même chez vous, mais tu veux voir des faces, c'est pour ça que tu vas voir un bar. Pense à la chasse-galerie, les gars. Ils sont prêts à flouber leur paye, aussi, puis vendre leur âme au diable pour aller voir des créatures flouber leur paye, faire de la coke dans le canot. Aux États-Unis, j'ai pris le traversier. OK? J'étais dans Maryland, je m'en allais au Delaware. Puis au-dessus du traversier, il y avait des jets de chaleur qui montaient au-dessus du bateau, comprends-tu? Puis les mouettes qui surfaient, qui utilisaient le bateau pour surfer, OK? Au-dessus des flots, pour aller pogner des hosties de poissons qui étaient à la surface. Puis là, je me suis dit, aussitôt qu'il y a de la chaleur humaine, je me dis, il y a tout le temps quelque chose qui va en arrière puis qui suit ça pour se nourrir, tu sais. Je me suis dit, c'est peut-être là-dessus que le... l'énergie des faces est basée. Tu sais. Improvisation. OK, on en vient au sujet de l'heure Tinder. Je viens de me mettre sur Tinder. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais là-dessus. Ça, c'est Christy Crispy. Christy 27. Ça, c'est comme si c'était un androïde, puis que son nom, c'était comme Christy 27, tu sais. OK? Donc, les catégories. On peut observer qu'elle a une très belle robe, dénudée vers l'épaule, à côté d'un petit gros bouquet de fleurs. Ça, c'est la catégorie balle de finissante. OK? Sinon, 25% des personnes qui sont sur Tinder ont des faces de front. C'est-à-dire qu'ils élèvent leur téléphone légèrement d'un angle trop élevé qui vise leur front, ce qui fait que ça a l'air un petit peu trop allongé. 25% des profils sur Tinder sont des faces de front. Sinon, il y a les forfaits de groupe. La fille est bien habillée, puis est à côté de ses chums de filles. Puis là, il y en a 3-4 de beauté plus ou moins équivalente que tu classes nécessairement dû à ton regard. Et puis là, tu sais pas c'est laquelle. Ça s'appelle des forfaits de groupe, OK? Ça, c'est... C'est sinon, j'ai remarqué que 11% avaient des lunettes de cochon. Moi, j'aime bien ça, c'est... personnellement. Sinon, il y a les professionnels. Il y a les filles, on dirait que c'est Barbie, mais un peu moins mince, un peu plus écrasé, parce que Barbie, c'est comme quand t'adaptes ton écran pour ton ordinateur, puis ça fit pas, puis là, la fille a l'air trop longue. Mais tu sais, tu prends Barbie, tu l'effoires d'à peu près 10%, pis ça a l'air de ça, une professionnelle de Tinder. Puis là, derrière ça, tu sens aussi que cette fille-là est sur Tinder parce que, d'une certaine manière, elle cherche pas un homme, ni elle cherche du cul, mais elle a envie quand même d'avoir un profil Tinder pour montrer qu'elle est bonne là-dedans. Donc, des professionnels. Pis sinon, il y a les filles comme toi, OK? Il y a les filles comme toi qui cherchent la même affaire que toi. Tu les regardes, tu dis, je pourrais la rencontrer dans un bar. Problème, pourquoi être allé sur Tinder si on peut rencontrer cette fille-là dans un bar? Et je m'adresse aux filles ici. Donc, je crois que Tinder n'est peut-être pas la solution pour vous autres, les gars, pour trouver l'amour. Merci. Merci beaucoup, Damien. Ça... Moi, ça me parle beaucoup, ça. Ça te parle beaucoup, hein? Ouais, oui, ben, hein. Moi, pendant un bout de temps, je cherchais l'amour sur Tinder. Là, je cherche des opportunités d'emploi sur Tinder en ce moment. Donc, si vous avez une job à m'offrir, trouvez-moi sur Tinder, là. Pas fou. On a eu Carmen aussi qui en avait parlé. Tinder, c'est un sujet de l'heure. Est-ce qu'il y en a qui sont là-dessus? OK. Y a ouais, c'est ça. Levez pas la main, tu sais. Ah ouais, on est quatre dans la salle sur Tinder, tu sais. Ouais. Ah, Martine est sur Tinder. Hey, Martine! Bon, ben... T'as-tu liké? Parce que moi, je t'ai pas vu passer. Moi, je suis pas sûr que l'information Martine est sur Tinder, c'était une bonne affaire à vous donner. À vous, messieurs. Ben, le monde, disons, sur Tinder. Moi, je m'en vais sur Tinder, justement, Martine, quoi. Ça vous intéresse pas, vous autres, toi, t'as trouvé l'amour? Toi, René, comment ça se passe? Mais je sais pas, Tinder, je connais pas vraiment. Toi, Tinder, ça... Ah ben, c'est technologie moderne. En fait, le but, c'est d'en arriver à avoir le moins se parler possible, je pense. Ouais, OK. Fait que finalement, c'est comme du santage de cul à distance. Ouais, c'est comme on vient de se faire dire, là, tu magasines une face, puis... Tu checkes pas vraiment ce qu'il y a en arrière. Mais c'est là. Vrai que Damien était très éloquent hein, dans cette Ce que je veux dire, en fait, j'ai oublié de le dire, c'est que derrière chaque face, il y a des fesses, mais chaque face est multipliée par deux. Donc, à chaque fois que tu vois une face, tu vois deux fesses. C'est ça l'économie de la face, c'est que chaque face multiplie ça par deux. Face égale deux fesses. Puis à force de tout doubler, ça donne une courbe ascendante qui est exponentielle. Et voilà, je pense que... Les fesses sont plus rentables que les fesses, voilà. Ben... Non. Parce que s'il faut qu'il y en ait deux, tu sais, c'est... Ah, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Il y en a qui font des annonces sur Tinder, c'est drôle. Ouais, on a découvert de la pub sur Tinder. Alors, est-ce qu'il y a des gens libres dans la salle? Ouais! Est-ce que j'aime ça? Il y a beaucoup trop d'applaudissements. Mais oui, ben écoute, c'est... Bruno, c'est de même. On gagne où ce qu'on peut. Alors, écoute, je suis content d'être ici. Tommy, je n'ai pas oublié que c'était ta fête. Je m'en suis juste crissé. C'est correct? Ben, ça me va. C'est normal qu'il y ait des gringes de ma fête. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, c'était ta fête le 1er mars, on est rendu le 23, tu sais, get the fuck over it, à un moment donné. Bon. Je vis ça à ma manière. Puis en plus, je la laisse rayonner sur toi. tournée de shooter, tout, là, un prétexte, si. Let's go, parle. C'est qui m'énerve. OK, hey, je suis quand même content, malgré le fait que ce soit la fête à Tommy, je suis quand même content d'être ici. D'abord parce que c'est deux fois un banjo, mesdames et messieurs. Je suis très content que ce soit eux, d'abord parce que c'est des amis personnels, je les aime beaucoup. J'aime leur folie, j'aime leurs chansons. Et ça fait du bien, n'est-ce pas, Bruno, d'avoir des vrais gros noms sur 70%. Ouais, oui, oui. Ouais, parce que là, ça commençait à faire dur la semaine dernière. T'sais, c'était qui le gars la semaine dernière? Hey, écoute, un gars, Gérard B. quelque chose. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, hein, des gens actuels, des gens qui sont... J'aime ça, les has-beens, là. Hey. C'est pas ça, là. C'est pas ça que j'ai du monde pertinent, une fois de temps en temps, ça fait ben, du bien aussi. Ben, tu sais, du monde contemporain, une fois de temps en temps. On sait que Tommy vieillit, là. D'ailleurs, dans l'optique de prioriser le monde contemporain, je ne parlerai pas de Michel Baudry ce soir. Que quoi? Sauf pour informer les gens que ça intéresse, que Michel Baudry... existe encore. D'abord, il existe encore, bien sûr. Celui que l'on surnomme affectueusement Mike Baud, bien sûr. Mike Baud a gagné contre l'hiver. Puisque, selon ses chroniques, il a passé les trois dernières semaines au Mexique. Ah! Rapportant ainsi son combat contre l'hiver. Alors, je suis très content. C'est pas plus fuir le combat, ça? En ta qualité de race de sable, je vois ta confusion. Mais non, effectivement, ce n'est pas la même chose. Surtout parce qu'il est allé, si on se fait assez chronique toujours, dans un bar qui s'appelle Los Tabarnacos pour écouter les games du Canadien. Alors, tu sais, Michel Baudry, un homme qui aime le dépaysement. Hein? On voit ça tout de suite. Donc, j'en parlerai pas plus que je viens d'en parler. J'en parlais pas mal quand même. Parce que je suis ici, là, je me suis dit, de quoi je parle? Tu sais, je parle-tu de la fête à Godette? Non. Je parle-tu de la grève étudiante, de la crise qui s'en vient, puis tout. Là, je me suis dit, je vais essayer de m'informer un peu sur ce qui se passe. Hein, je me suis informé à gauche, à droite, comme on dit. Et réaction là-dessus. Mais c'est parce que ça fait deux semaines, j'ai Michel Baudry, alors les jeux de mots me viennent de même. Alors, et j'ai été un peu déçu, hein, parce que en fait, tout dans l'actualité, pas juste ce sujet-là, mais tout dans l'actualité en ce moment me semble un peu vide. Un peu stagnant. Et ça m'a porté à la réflexion suivante. Est-ce que le monde gagnerait en qualité si tout le monde écoutait la lutte? Ouais! Non, mais on s'entend, là. Il n'aurait plus de problème, là. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de discrimination, il n'y aurait plus de pauvreté, on n'aurait pas le temps. Est-ce qu'il y a de la lutte? Tu veux dire que parce qu'on regarde la lutte, il n'y aurait pas d'hiver? Ah, il y aurait rien de toute la liste de problèmes que tu peux imaginer, là, si tout le monde écoutait la lutte en même temps, elle n'existerait plus. Mais s'il y a plus de lutte. Tu veux dire en même temps puis tout le temps, tu veux dire? En même temps puis tout le temps. Ouais, ça peut s'appliquer. Et la façon d'écouter la lutte en même temps et tout le temps, c'est le WWE Network. auquel je me suis, au détriment de ma vie sexuelle, abonné! Fait que là, j'écoute de la lutte. De la lutte d'aujourd'hui, de la lutte d'avant-hier, de la lutte d'il y a 30 ans, de la lutte de dans 25 ans, de la lutte, esti! J'en écoute! Il y en a partout! Ce qui m'amène à mon vecteur de liberté de cette semaine, Tommy, c'est-à-dire WrestleMania 31! Yay! C'est quoi, alors? C'est quoi? On a des ignorants dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi WrestleMania par applaudissement? OK. Quand même pas mal de monde. Et ces mêmes gens-là, par applaudissement, avez-vous le droit de vote? Esti de société qui me rend malade. Ça connaît pas la lutte, ça a le droit de vote. En tout cas, ça m'a fait capoter. Alors, sur ce, je veux attirer votre attention vers cet événement de lutte. Hein. C'est quoi WrestleMania? C'est le Super Bowl hein, de la lutte. C'est les Gémeaux. C'est la Coupe Grey. C'est... Tu comprends? Ouais, le problème, c'est qu'il y en a genre comme 8 événements de même par année à WWE. Non, WrestleMania, on est rendu à 31. C'est un par année, hein, ça fait donc 31 ans. Ouais, mais il y a un Royal Rumble par année aussi, là. Non, attends, on s'entend, là, OK, Bruno, hein, il y a un événement pay-per-view par Summer mois. Il y a le SummerSlam. Il y a quatre semaines, il y a quatre lundis de lutte par mois. Il y en a en esti de la lutte, c'est pas ça le point. Là, c'est WrestleMania. Puis WrestleMania, c'est gros. Fait que genre, quand, le non, mais juste, je veux pas t'arrêter, là. Non, on jase. Mais non, on jase. Mais mettons le Royal Rumble. Mettons. C'est comme les Golden Globes. OK. Ouais, OK. Puis WrestleMania, c'est les Oscars, genre. C'est ça? Ouais. Exactement. OK, c'est bon. Exactement. Ça m'aide à comprendre. Non, mais c'est correct. Moi, ça m'aide à parler le langage hipster de plus en plus. Alors. non, mais on apprend, on échange. Oui. J'aime ça. Il y a plusieurs matchs à WrestleMania. Hein, ça va durer 4 heures pour les avertis. Devant 80 000 personnes live et des milliards de personnes à la maison. Des milliards de personnes. Le match qui attire particulièrement mon attention, par exemple, Tommy, c'est le match John Cena contre Rusev. Alors... Non, je vais répondre. Avant que tu les nommes, en fait. Je vais répondre à la question. John Cena, je peux-tu? John Cena, vas-y, réponds. C'est le rapper qui a fait du parfum aussi, puis qui a du linge, là. Pis, oui. Il ressemble à Vanilla Ice, mais un petit peu plus jeune, là. Un petit peu. Il a fait des films d'action, là, puis on le voit en bedaine tout le temps. Voilà. On peut pas le voir. Alors, d'un côté, on a Rusev. Rusev, il est méchant. Pourquoi? Parce qu'il est russe. Pis ça, les Russes, c'est méchant. Ça, tu peux jamais... Tommy, regarde-moi dans les yeux, c'est un cadeau de fête, ça fait. Tu peux jamais truster ça, un russe. Même les hamsters russes. Les hamsters russes, les pets. Tu peux jamais truster absolument rien de russe. Je veux rajouter que tu peux pas faire confiance à une roulette. Ben voilà. Rien de russe, incluant les roulettes. Ouais, mais la roulette russe, c'est assez le pire, en fait. On a eu droit à un mois du fond de la salle. Et de l'autre côté, on a John Cena, hein, vétéran... champion, 15 fois champion du monde. John Cena, c'est quoi? C'est Superman. C'est l'Amérique. C'est le bien. Hein? C'est le self-made man bâti. Cheveux blonds, yeux bleus, patriote. Et qu'est-ce qu'il va faire à Rusev? Parce que Rusev passe des mois, depuis des mois, il détruit l'Amérique, hein, verbalement et physiquement. Il s'attaque aux symboles de l'Amérique. Et John Cena en a marre, Bruno. Ah ouais? Ah ouais? Ah, il est tanné, là. Il y a un lutteur qui a plus que l'autre. Il était capable d'en prendre jusque-là. Mais à un moment donné... Il est allé là. En fait, ses mots exacts furent: you can say what the hell you want about me, but when you touch America, you're messing with something you shouldn't. Fait que... Toto? Fait que la liberté d'expression, ça s'arrête à la liberté de l'Amérique. En fait... C'est ça? C'est ça le message! Bravo, Bruno! C'est pas le premier hipster qui pense qu'il m'a. C'est pas grave, hein? C'est que c'est sûr que vous autres, vous arrêtez à des mots, tu sais? Ah ouais! Mais la liberté, ça veut pas dire que t'es libre. La liberté, c'est un brand! Ah, mais you're either in or you're out, man! Mais je travaille aussi en publicité, fait que là, je te comprends. Et c'est là toute la beauté de l'Amérique. On s'aime, puis j'ai gagné. On s'aime, j'ai gagné. Ça doit être la fin de ta chronique. Puis sur ce, oui, ça va être pas mal la fin. Parce que t'as gagné, j'ai gagné. Parce que, et pourquoi, Bruno? Parce que quand l'Amérique gagne, tout le monde gagne! Incroyable. Vous l'avez entendu ici. En fait, on est déjà rendu à la moitié du show. Même un peu plus passé. Ce qui va se passer maintenant, c'est que notre cher technicien va mettre une petite chanson. Elle finira certainement pas parce qu'on organise la place pour que nos invités soient à l'aise pour nous chanter quatre chansons et que notre danseur officiel, Chinook, puisse se préparer. Oh boy, hein, il est en train de se... Hey, Chinook! Moi, je défais mon nœud papillon puis je m'en vais danser avec lui! Oh, Chinook! On peut avoir un petit peu de lumière par ici? Je pense que oui, on peut mettre un petit peu de lumière. Oh, Batman! Are you ready? Oh yeah! so good. They stone you just like they said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying to keep your seat. Stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Mesdames et messieurs, on a une bonne main d'applaudissement pour Chinook, le Batman douchebag de 70%! Eh bien, le moment est arrivé, mesdames et messieurs, en l'honneur du lancement de leur clip, veuillez accueillir chaleureusement, encore une fois, deux folles et un banjo! Aujourd'hui, on a une chanson spéciale! Comment fonctionne-t-il? Oh, un, deux. Miaou! Miaou! On nous entend bien? Yeah! Une petite chanson spéciale aujourd'hui. Je sais que Tommy l'aime beaucoup. Et je sais que c'est son anniversaire aussi. C'est son anniversaire, je crois. Je crois que c'est son anniversaire. Je n'en suis pas certaine. Mais bon, dans le cas où, on pourrait lui faire cette tune-là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien sûr. Tommy est-il à l'écoute? Tommy! Monsieur Godet! Tommy est demandé à la table, s'il vous plaît, Tommy à la table. C'est pas grave. Bon, ben, il va manquer la toune pour lui, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est pour tout le monde. En fait, Tommy nous casse les oreilles avec la prévention du mois de mars, Marianne. Oui, la prévention contre la chute dans les escaliers, hein? Oui, et on a fait une petite chanson pour ça, parce que ça nous tient à cœur également. Voilà. Les escaliers ne sont pas nos alliés. Faut pas sous-estimer, il faut même s'en méfier. Si leur première fonction est dépasser les plafonds, elles sont l'âme de fond de la destruction. Destruction! Le mois de marche en prévention. Ménage le rire. Relève le défi. Ménage le rire. Fais-toi-en des amis. Ménage le rire. Tout sort pour toi. Prévention. Fais attention dans les escaliers, ça marche. Et je garde pied air. Les escaliers, ça marche. Et me garde hors de danger. Prévention. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Et je garde les pieds. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Yo, vas-y, René. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Faire attention dans les escaliers. Faire attention. Et me garde hors de danger. Faire attention dans les escaliers. Ça marche. Faire attention Yeah, je garde hors de danger. Bravo! Donc, certains gens futés diront que ceci n'est pas un banjo. Non? Ouais, c'est hein? pas un banjo, ça! Non, merci, pas tout à fait. Merci, Chinook. C'est juste que des fois, je laisse mon banjo à la maison, car j'apprécie les cordes de nylon de cette guitare, étant donné avoir souffert d'un accident de couteau à pain. Donc, durant mon rétablissement, j'utilise cette guitare. Guitare qui est quand même une drôle d'histoire, hein? Elle a été même enlevée par une crackhead chez vous. Oui, c'est vrai, on l'a. Ouais. Elle est revenue. La c'est police me l'a ramenée. Les bonheurs de vie dans un schlaga, voilà. Donc, je sais pas si Tommy est encore là, mais selon encore, t'es là, hein? Peut-être là. Mais outre sa fête, un moment qu'il apprécie particulièrement dans l'année, c'est Noël. Hein? N'est-ce pas? Noël! Oui, Noël, oui. Donc, on va faire une chanson de Noël. Marianne a ses grelots pis tout, là. On pensait que ce serait approprié. Oui! On pensait, là. La magie de Noël! Noël, le sang de mes semblables sur mes poings. Noël, je serre le cou de la vendeuse entre mes mains. Je sens mon cœur exploser de bonheur. Le Walmart est ouvert jusqu'à 10 heures tous les soirs. Sous le sapin, Noël, le même hostie cédé en loupe jusqu'à demain. Mais mon cœur n'a pas besoin d'antigel, réchauffé par la magie de Noël. Yeah! Mon cœur n'a pas besoin d'antigel, chauffé par la magie de Noël. Yeah! Chauffé par la magie de Noël! C'est vrai que c'est magique, Noël! C'est vrai que c'est magique! Yes! Et la couleur de Noël, c'est quoi? Est-ce que vous êtes bien présents, tout le monde? Oh yeah! Hey! Avant la prochaine chanson, ce qu'on va faire, c'est se donner un petit exercice parce qu'on va vous demander de chanter avec nous autres. Ah! Ah! Alors, on y va tous ensemble. Des exercices de prononciation parce que vous allez voir, faut suivre. Hein? Alors, mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Moi, moi, mi, moi, mieux, moi, mi, mais moi. Moi, moi, mi, moi, mieux, moi, mi, mais moi. Ils l'ont tellement fait! Ah, vous êtes malade! Alors, en fait, c'est pas très compliqué comme refrain. Ça va comme suit. Chien, chien, chien, chien, chien, chien, chien, chien, chien, chien, chien, chien, chien, chien, chien. Au printemps, on peut voir les chiens volants se poser lentement sur les pétales de pain blanc. Hot dog géant! Chisse, chisse, chien, chien, chisse, chisse, chien, chisse, chisse, chien, chisse, chisse, chien. Au printemps, on peut voir les chiens troublants savoureux, langoureux, accouplement, et sans main les condiments. À hot dog géant. Yeah! Chasse, chasse, chien, chasse, chasse, chien, chasse, chasse, chien, chasse, chasse, chien, chasse, chasse, chien, chasse, chasse, chien. Si j'avais des pouvoirs, je les délivrerais de leur collier. Les voir s'écraser, les voir voler et exploser. Paf! Au printemps, on peut voir les chiens gossants signer sur les passants. En footballeur professionnel, qui est le ticket? Est-ce qu'on entend le ukulélé? On l'entend bien? Oui. Yeah. Mais ça, on a toujours du son de qualité quand on vient ici. Oui, absolument. Plaisir du tout. Hey, mais j'en ai vu plein chanter. Yeah! C'est ça! Le ukulélé était pas prévu. Puis c'est bon, même! Applaudis comme ça, tout le monde. Comme Morin. Donc, pour finir ce petit bloc musical, nous pourrions chanter une petite chanson qui reste dans la tête. Ah non, pas celle-là. Oui, non, ah non, ça tente pas? Mais ben, René, en plus, c'est pas dangereux un peu, genre, c'est ça dans la tête, je sais pas. Là. En plus, c'est éducatif. OK, d'abord. OK. Une virus, deux virus, trois virus, c'est rien. Quatre virus, cinq virus, six virus, c'est bien. Sept virus, huit virus, neuf virus, ça commence à prendre la place. Dix virus, c'est vraiment dégueulasse. Onze virus, douze virus, treize virus, c'est pas beau. Quatorze virus, quinze virus, seize virus, c'est trop. Sept virus, dix-huit virus, dix-neuf virus, de la de crapaud. Vingt virus, achète-toi un chapeau. 21 virus, 22 virus, 23 virus, plus tard. 24 virus, 25 virus, 26 virus, il était trop tard. T'as fini par exploser, y'en avait tout le quartier. Ne restait plus que des tendons, oui, cette jolie chanson. Mesdames et messieurs, c'est deux folles et un banjo! Yeah! Merci les filles! Et Tommy, tout le monde à sa façon, t'as parlé de ta fête. Et moi, il y a une chose, par exemple, c'est un peu Bruno, Tommy et compagnie qui m'a inspiré de te faire jouer cette chanson-là. C'est fait par les Bleus Poudres. Hey les gars, ouais, les gars, vous savez pas quoi, hein? Non. Mais j'ai enfin, je l'ai eu, mon augmentation de salaire. Oh! Oh! Je pense bien qu'avec ça, là, cette année, je vais être capable de payer de l'impôt. Oh! Oh! Oh! Écoute ça. Oh non, c'est oui, fou! Oui, oui, non! Bravo, bravo, on te lève notre chapeau. Félicitations, tu marches pas au charbon. Tu travailles très fort pour aider ton sort. Congratulations, mais offre-toi pas les ganglions. C'est beau. Vas-y, Charles. T'as toujours livré la marchandise, même quand personne n'en avait commandé. Bravo, bravo, on te lève notre chapeau. Félicitations, t'es pas un cornichon. C'est à moi, là? Oui, vas-y, okay. Longueuil. Tu étais le seul à croire en toi. Aujourd'hui, tu as prouvé que n'importe qui peut être laqué. C'est bon, c'est mouvant. Bravo, bravo, on te lève notre chapeau. Hein? Félicitations, tu marches pas au charbon. Je sais pas, mais il chante mal en maudit. Il est tout rouge. Hey yo, what up, c'est Dirty Taz, a.k.a. le super sexy MC, a.k.a. le Black Brad Pitt. T'écoutes le 70%, tu connais le time, mon gars. Qui c'est qui vient de la Ferté sous joie? Qui veut la job à tous les Québécois? Si mon cul sonnait. Engagement! Engagement! Oh, salut! Je suis super en retard. Génial. Ça va, ça roule? Salut Simon. Ça va bien? Désolé, la semaine dernière, je n'ai pas pu venir parce que j'ai eu des gros problèmes existentiels de type grosse remise en question par rapport à, au Québec, ce genre de choses, etc. Et je me suis dit, en fait, la question qui a vraiment occupé mon esprit pendant quoi maintenant? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Ça fait 2 semaines? Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Après cette chanson de Michael Beck que j'avais faite la dernière fois, ma question existentielle, c'était: qu'est-ce que je vais faire de tout l'argent que j'ai volé en aux Québécois? En fait, en piquant des jobs et tout ça, j'ai fait beaucoup d'argent. Puis je me suis retrouvé avec une somme astronomique de fric. Je savais pas quoi j'allais en foutre. Donc j'en ai discuté avec ma psy conseillère en placement immobilier et projet. Parce qu'en fait, elle fait les deux. C'était un package. Bon, du coup, voilà. Et bon, moi, j'entends beaucoup parler d'austérité. Puis bah, l'austérité, au plateau, on s'en branle un peu. Excusez-nous, on revient chez vous, bonjour, c'est combien? Oh, tiens, t'as un bon salaire, ça te va? Bah oui, bah on prend, désolé. Et puis voilà, mais bon, on est bien reçus, probablement à cause des bonnes manières qu'on nous a inculquées à l'école. Puis ouais, l'orthographe, tout ça, je pense qu'on est... Je veux pas faire... Ouais, bref, à chaque fois j'en reviens à ça, mais bon, c'est... Bon, ouais. Donc je me suis dit, comment ça se fait que j'ai autant de pognon? Eh ben... Justement, pour en revenir toujours à l'orthographe, je faisais un side job qui est devenu quasiment une corporation maintenant, que je revends un peu comme Limonex. J'ai appris beaucoup de monsieur Mathieu Goudreau ici. Et en fait, je suis correcteur de statut Facebook au Québec. Donc j'ai chassé ERZ, enfin bref, tout ça. Et donc ça paye bien relativement, puis évidemment j'ai arrêté de chercher l'amour parce que les dates ça prend du temps, et j'ai découvert que grâce à ma psy qui consulte, qui fait des placements financiers, j'ai appris que le temps c'était de l'argent. Donc du coup je vais plus dater. Et puis vous savez Tommy, j'ai réalisé que l'amour c'est comme les bus de la ligne 30 et 55, je ne les attends plus. Bref, donc du coup, ma conseillère en placement, machin, cul sur commode, m'a dit « Hey, tu devrais avoir des projets dans la vie. » Parce que bon, c'est pas le tout de faire des chroniques hein, devant un public semi-sous. C'est qu'il faut des projets dans la vie. Et en fait, j'ai eu 2 projets. Il y en a un qui est en bonne voie, il y en a un qui est quasiment fini, dont j'ai le prototype sur moi. Alors le premier c'est simple, c'est parti d'une idée. Je traîne souvent sur le forum. Je suis allergique à rien et je t'emmerde. .ca. En fait, j'étais dans un salon de discussion qui parlait du gluten notamment. Et puis j'étais avec des gars là, qui sont là comme ça. Ils disent ouais, ils font chier. Nous, comment on fait pour manger du gluten maintenant que c'est maintenant des petites tapettes là qui se mangent, genre oh, pas de gluten dans nos fruits. Etc. Donc du coup, comment on fait nous? Et j'ai dit, vous êtes pas les gars, j'ai l'idée, j'ai le fric, hein. Je sais ce que je vais faire, et c'est après une visite dans une de vos fameuses cabanes à sucre qui ont encrassé mon foie et autres parties de mon corps que je tairai ici. J'ai décidé de lancer ma chaîne de cabane à gluten. Oh. Donc si t'es intolérant au gluten, dégage. J'ai envie de te dire, t'as rien à foutre ici. Mais si t'aimes bien le gluten et puis si tu trouves que les restaurants de Montréal manquent trop de gluten, viens chez nous, tu pourras prendre... Bah oui, c'est con. Hey, c'est con, mais ça marche. Il y a plein de trucs au Québec qui tournent parce que c'est con. On appelle ça une pâtisserie en passant. Une quoi? Une pâtisserie. Non. Non? Non. Okay. En Arabie Saoudite peut-être, mais pas chez nous. Ouais. On y revient. Mais c'est vrai qu'en France il y a beaucoup de pâtisseries qui on en reparle. Et en fait au final c'est ça, donc on s'est dit du coup les gars, donc on va monter notre première cabane à gluten, donc il y aura des fèves au gluten, il y aura des oreilles de gluten tout simplement, Et puis voilà. Et donc on tire directement le gluten des arbres, puis on fait de la tire de gluten. Et en fait, c'est servi sur du bacon congelé. Et puis ça se sniffe par contre, parce qu'on fait de la poudre de gluten. Et le deuxième projet dont j'ai le prototype sur moi, c'est un projet que Douteux m'a inspiré beaucoup. Et en fait, grâce à mes anciennes ressources à Wizard of the Coast, qui sont les premiers producteurs de Magic dans le monde, je crois. Les meilleurs, ça appartient à eux autres. J'ai investi beaucoup d'argent. On a checké avec une grosse équipe de créatifs du plateau. Il fallait bien payer les gens. Et c'est logique. Et on a donné vraiment le bout du bout, comme dirait mon ex. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti un deck. Alors, c'est un deck Douteux Pro Series avec Magic, donc Magic the Gathering évidemment, et c'est le Tommy Godet Wall of Food Apocalypse. C'est Legacy ça? C'est Full Legacy. Ok, c'est bon. Alors, dans ce deck, il y a précisément 60 Wall of Food. Et un land. Et un elfe. Un land. Et d'ailleurs, okay. C'est marrant que t'en parles parce que le land, justement, est une forêt, donc un mana vert. Et c'est la forêt des elfes morts. Donc c'est le seul land. Et du coup, bah, je pense que ce prototype, on l'a envoyé aux subventions du Québec, qui sont généreuses avec nous. Et du coup, c'est bon. Les subventions du Québec, là. Oui, oui. Cette entité. Oui. J'ai entendu qu'on coupait un petit peu. Puis, bah, du coup, on l'a présenté au truc. Donc les juges qu'on a, évidemment, parce que je crois que c'est comme ça que ça marche ici. Il faut donner une petite enveloppe avec plein de portraits de la reine dedans. Puis les choses se passent mieux. Et du coup, vu qu'on a envoyé l'enveloppe, bah, Tommy, je t'offre pour ta fête ce prototype avec ta face dessus qui mange ton poing. Yeah. Voilà, merci. Donc, quand ça sortira, achetez-en plein. Il y aura 10% pour Douteux.org. Bonne soirée. Hey, c'est vraiment un beau cadeau, ça. Merci, Simon Cussonnet. Hey, hein? T'as-tu déjà eu un beau cadeau de fête de même, toi? Ben, nous autres, on en a un pour toi, Tommy. Ah ouais, là, live? On en a un pour toi. C'est le temps, là. J'avoue, je suis déjà tout attendri. Tu vas même pouvoir le choisir, ton cadeau. Ah ouais, hein, il y a des macarons. En fait, nous autres, on adore les produits dérivés. Donc, on s'est fait des macarons, puis là, je t'ai fait une petite sélection. Est-ce que je peux les prendre les quatre? Non, tu dois choisir. C'est dur, hein? Est-ce que je peux choisir des produits dérivés? C'est ta fête, mais c'est pas ta fête tant que ça. T'as le choix entre le chien saucisse, deux folles et un banjo. Le chien saucisse volant, ouais. Le macaron, un furet ou un panais, un très très beau gilet et un t-shirt rose. Oui. Le macaron jambon beurre. Que j'aime beaucoup. Oui. Et le brocoli avec une mitraillette, il est cool en crise. Le brocoli géant, mange tes légumes. Ouais. Voilà. Je vais prendre le chien ici. Ah, yeah! Chien! Préféré de toujours. Chaque thématique de nutrition Thématique de nutrition, ouais. On aime ça. Sinon, ça va bien, votre 70%, vous deux, à date? Ben nous autres, on est contentes. Ouais, vous êtes déshabitués un petit peu, c'est pas votre première fois. Non, effectivement. Moi, c'est la première fois que je suis assise. Toi aussi, tu fais partie des chroniqueuses qui sont plus là, hein? Ouais, je fais partie des chroniqueuses. J'ai oublié de te nommer tantôt, mais... Mais elle est revenue, elle. Ouais, c'est vrai, ben... Ouais. Shout out à Simon-Pierre Bilodeau. Ah, voilà. OK, on continue, on est prêts. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade sham. The captain leaves. Chris Twishnook mange un assichard de merde de graines. Oh yeah! Salut Eric! Salut le grain! Hey, tu m'as fait plaisir, du vrai vieux bon Genesis comme matin. Hein? Tu racontes n'importe quoi. La toune de merde qui jouait, mesdames, messieurs, c'est Dancing with the Moonlit Night de Genesis, une sélection de votre très très humble serviteur. Très très humble. Chris Legrand. OK, c'est bon, on continue. C'était pas une toune à Jean-Sébastien, ce coup-là, c'est moi qui l'ai choisi, juste pour toi, le grand. Ben, merci, c'est... Ben, c'était bon. Ben, en tout cas, c'est toi qui te décides, hein, moi... c'est... Non, non, merci, non. T'as pensé non. à moi, genre. Ouais. Okay. J'ai voulu te faire plaisir pour une fois. Ben, en tout cas, salut la gang de crotté, êtes-vous content de me voir? Ouais! Moi non plus, Chris. Bon, ben, moi, ça va pas trop, le grand, là. J'ai su à la dernière minute que j'allais venir ici, que j'allais faire ma chronique, pis là... C'est récurrent, hein? Ça me tentait pas de venir, vraiment pas. Ouais, mais je me suis dit que j'allais faire plaisir à Tommy avec ma présence, hein, Tommy? Pis là, pis j'ai su, en plus, qu'il y avait deux gardas aussi sur le show, mais je pourrais pas m'empêcher, le grand. Il y a deux gardas sur le show, là. Les filles! Salut, les folles! Je trouve bien hot, les filles. J'aime bien votre musique, là. Je l'ai entendu une couple de fois. Bonjour, Marianne. Bonjour, René. Toi, la grosse, si tu veux, là, je sais que tu as une octave très haut, là, mais si tu veux, moi, je peux te donner des leçons pour que tu chantes encore plus haut. On se comprend-tu, la grande? Ça a l'air de scorer. On se parlera après, si... qui est ce charmant jeune on checkera ça. Je magasine une volée. Qui est en train de me conquérir? Ben, tu sais, moi, quand il y a des girdles, grand, si, il faut que je me mette... ben, faut que je me mette, c'est ça. Bon, ben, là, Chris, j'ai appris, puis là, j'ai constaté aussi qu'il y en a deux, Chris, qui sont rendus, qui marchent dans mes plates-bandes, tabarnak. Il y a Andy qui fait bien cuit, là, l'expression des fifs pour un roast. Puis il y a, en plus, Damien, ici, il s'en vient parler de Tinder. Chris Legrand, arrête de te regarder le nombril, puis écoute le show, ça fait deux fois que je fais des chroniques sur Tinder. Chris Legrand, mais je vous en veux pas, les gars, hein. Moi, c'est comme quand je fous des gardas deux, trois fois, après ça, je passe à autre chose. Puis si mes chums veulent les restants, là, dérange pas. Pis en même temps, là, je comprends ça, tu sais, tout le monde veut être Eric Carmen aujourd'hui, là, pis là, c'est correct, les gars, je vous en veux pas, si, c'est normal. Fait que, si tu veux, hein, c'est la vie, pis tout le monde est comme moi, pis on s'entend, tu sais. Fait que là, j'étais un peu pris au débrébut, si, je m'en attendais pas, là, avec ces deux garlots-là, si, qui sont venus faire mes affaires, tu sais, c'est mon domaine, les boys, mais ça me dérange pas, je vous laisse le faire. Fait que là, j'étais un petit peu fourré, tu sais, fait que je me suis dit à la dernière minute que j'allais faire une chronique que j'ai déjà faite dans le temps, je vais recycler, vu qu'on est dans la soirée du recyclage, je vais recycler un vieux numéro que j'ai fait à Radio de Windsor, parce que moi, je suis Justin McCunt, in the morning, everybody, on CYIP 106.9. Puis j'ai fait un sketch qui était genre les célébrités, les personnalités publiques de ma jeunesse, que j'ai trippé un petit peu fort, puis qui sont rendues très vieilles, mais j'ai fourré encore. Tu irais jusque-là. Ah, Chris, certaines graines, si, c'est des femmes très particulière. Fait qu'on va commencer avec number 3, Margaret Blais. Yeah! Elle est douce pis délicate, hein? C'est une belle femme, même si elle est dans les libéraux, hein? On s'entend, c'est une libérale, si, mais c'est une belle femme pareille, puis elle est douce, elle est fine, puis moi j'ai vu de quelque chose dernièrement, graines, si, j'ai trouvé ça bien hot, ça s'appelle le punching bag. C'est, tu te mets la poche qui dépasse ici d'une planche avec un trou, puis là, elle te donne des petits coups dessus. Tu comprends? Puis Marguerite Blais, elle est toute douce, elle est toute délicate, fait que je me suis dit, ça serait pas pire parce qu'elle, tu sais, elle fassera pas trop fort. T'es weird. Ben, c'est un move sexuel. Pour cette position sexuelle, Marguerite Blais est bien adaptée. Oui, elle est bien adaptée à ça. Avec Marguerite Blais, yes, ouais, yes, la bon, grande. Okay. Chris, c'est de même, ça marche. Number two! Daniel Ouimet. Oh! Ah, hé, attends, tabarnak, pis elle a des beaux gros knockers, le grand. Tabarnak. Moi, là, Daniel Ouimet, OK, c'est sûr, elle était bien plus belle dans Valérie, tu sais, dans le temps, mais elle était encore bien hot. Moi, je la fourrais, mon homme, là. Tu créerais même pas à ça, c'est... J'y ferais un chili dog. Avec tout le respect qui lui est mérité. C'est quoi un chili dog, vous vous posez la question, ce n'est pas un aliment. C'est lorsque tu défèques dans la craque des seins d'une femme et que tu y fais un cross-boule. Avec tout mon respect. Hey, son micro, il est allumé? Au moins, ouais. Il enregistre ça. Son micro, il est allumé! Ouais. Mais faites quoi? Quand... T'es même pas surpris, t'es à non, côté du speaker. Son micro, il est allumé, puis ça l'enregistre. Et ça diffuse. Puis let's go, numéro Daniel, 1! Daniel, c'est une vraie gerda comme j'aime. Number 1! Jocelyne Cazin de J.E. Hey, calmez-vous, on aura tous notre tour avec Jocelyne. Un mot, le glass bottom boat. Vous souvenez-vous du glass bottom boat? Ouais, on va rafraîchir la... Ouais, moi, je m'en rappelle. La glass bottom boat, là... Non, faites vos recherches sur Internet. C'est de toute beauté. Ouais, oui, Sylvester oui. Stallone est un grand fan de ça, by the way. Hein? Ah, il y en a qui me la demandent. Tommy. OK, vas-y, vite. Bon, le glass bottom boat, c'est une manœuvre sexuelle où que tu te places en dessous d'une vitre et tu te masturbes pendant qu'une femme défèque sur la vitre. Ça s'appelle le glass bottom boat, comme Jocelyne un bateau avec Cazin, une vitre. Mesdames, messieurs. Jocelyne Cazin. Mathieu Boudreau le savait pas. Je suis tellement content d'être là. Ouais, mais il l'a pas appelé de même. Donc, pas de contact. Glass bottom boat ou le plate job. C'est à votre choix. Fait que, au moins, je reviendrai pas la semaine prochaine. C'est sûr, Tommy, là, j'ai fait une exception pour Twig Grand, puis pour Richard Zell la semaine passée, puis pour les Gerdas qui sont ici. Salut les poules! Salut les, la gang de fuckers! On s'en reverra bientôt! Il va chier, Chinook, qu'est-ce que c'est? Pour vrai, le Glass Bottom Boat avec Jocelyne Cazin, c'est... Je sais pas pourquoi il faut que ce soit avec Jocelyne Cazin, par exemple. Ben, parce qu'elle est hot. C'est lui qui a dit qu'elle était hot, puis c'est lui qui voulait. Là. Est-ce qu'elle a... Oh! Stéphane Fay a fait une joke de marde. Une joke de marde. Bon, ben, on arrive au dernier chroniqueur. On va vous laisser le contrôle de la soirée après. Ça s'en vient. Cette toune-là me fait toujours le même effet, Tommy. Elle me donne l'envie d'étriper le mot « cute ». De noyer le mot « adorable ». Et de faire parler « secret ». Bon. C'est ça. Techniquement, moi, j'ai vu les seins des deux folles. Techniquement? Techniquement. T'es un des héros ici ce soir. Je sais. Je prends les appels. Donc, non, mais je suis désolé. Je suis désolé, les filles, il fallait que je le fasse. Bonne fête, Tommy. C'est comme ça. C'était ta fête. Et tu sais qu'est-ce que c'est quand c'est ta fête? Une journée avant, c'est... Ta fête! Ma fête! Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Ouais, merci. J'aimerais ça que tu applaudisses ta souffrance. J'ai de quoi pour toi. C'est ce que je pensais. Je suis né un 22 mars. Écoute, une grosse tempête de neige, Tommy. Naissance par le siège. Hein? Et une naissance par le siège, pour ceux qui savent pas, c'est quand le bébé se présente directement par les fesses. Alors, le message était clair. Va chier. C'est comme ça que ça a commencé et c'est très certainement comme ça que ça va finir. Non, mais c'est parce qu'on dit souvent que qu'en groupe, on est plus cave. Hein? C'est vrai qu'on dit souvent ça. Mais je vous le confirme, tout seul, on l'est aussi. Et en duo, très certainement. On est tous gravement atteints de ce mal qui nous ronge à un moment ou à un autre de nos minuscules existences. Et ça, Tommy, c'est... fantastique. C'est un moteur. Hein? Voilà. Ça veut dire surtout que le plan fonctionne. Le plan. Faut que j'explique. c'est tout le temps comme ça. C'est qu'il y a deux frères qui un jour ont inventé un jeu, hein, à propos du concept de points. Il y avait quelque chose... Il y en avait un des deux qui trouvait que c'était très, très, très important de faire des points quand on joue. Et l'autre, moins. Tu sais, ça l'intéressait moins. Et leur père, à ces enfants-là, était un inventeur. Alors, voyant le dilemme, il leur dit « Les enfants, vous devriez inventer un jeu ensemble. Hein, » ce qui est pas bête. Et leur mère, femme au foyer, Non, les mœurs ont changé. C'est quand même une vieille légende, tu sais. Faut te le dire, là, t'es pas toute là. La femme au foyer ajouta « Mais vous n'avez le droit qu'à une règle chaque. » Donc... Donc, non, mais elle avait une voix de même, je sais pas, moi, j'ai... Donc, le premier a dit « Bon, ben, ma règle, c'est on doit faire des points. » Et le deuxième a dit « Ma règle, c'est que j'ai le droit de faire d'autres règles. » Et ça a l'air, là, comme ça, de n'importe quelle légende, mais 240 ans après, c'est encore très populaire, l'industrialisation, hein? Ouais. Mais je suis pas venu ici pour te parler de ça. C'était ma fête, donc j'ai rien fait. C'est fait, tu le vaux bien. Voilà. Pas de party, pas de dessert, pas de bobette, rien, calice. Même Joël m'a envoyé un email. Joël m'a dit « Hey Matt, t'étais pas au parc hier? » Pas de scandale médiatique non plus. Tu sais, c'est comme... C'était tranquille. Tu sais, c'était vraiment tranquille. On a eu un restant de Joël Legendre. J'espérais que quelqu'un en parle. C'est une soupe tiède. Ah oui, c'est un cadeau de Joël. Tu sais, quand t'as vomi trois fois puis le petit reste, là, tu sais, c'est ça. Bon. Donc, j'ai fait, comme tout le monde à ma fête, j'ai fait ce qui me tentait, hein. C'est-à-dire que je me suis branlé sur Internet, que j'ai écouté des vidéos de la Russie sur YouTube, et puis que je me suis tapé ma collection de DVD de l'interrogatoire de Guy Turcotte. C'est vraiment... Ça, c'est des DVD que j'aime vraiment beaucoup écouter. C'est tellement c'est rendu que je suis capable de dire les répliques en même temps que lui, tu sais. C'est... Et, Non mais c'est on jase comme ça là. Mais moi ce que j'aime le plus chez Guy Turcotte, Toto, c'est la mince ligne qui se trouve entre sa franchise et sa naïveté. Ouais. Calme-toi. Certains diront crime passionnel, je préfère candeur. C'est comme ça. Bon. Calme-toi. Oui, applaudis ta souffrance. J'ai l'air de quelqu'un d'éduqué comme ça, mais je n'ai seulement qu'un diplôme. Non, mais c'est comme ça. Conseil comme ça. Sauf dans certains cas, le suicide, c'est mieux que le meurtre. C'est vrai. C'est vrai. Généralement, le meurtre est acceptable qu'à une seule condition, hein. Ne pas se faire prendre. C'est là que ça se passe. Et pour ça, ben, il y a des trucs. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, je donne une conférence là-dessus. Ça s'appelle « Du meurtre au kidnapping ». 25 trucs et astuces. Ça se passe tous les samedis à la station Berry. Je suis le gars avec la pancarte. Tu donnes ce que tu veux. La pancarte, c'est pour faire de l'échec une réussite. T'interprètes comme tu veux. Et fais-toi-en pas, hein, si ça te tente pas de m'écouter, là, ça dure quand même 6 heures. Ben, je passe des dépliants avec un résumé puis des liens pour mon site Internet. Fait que like si t'as aimé, Twitter, Facebook, va chier. Bon. D'ailleurs, c'est-tu moi ou ben on fait le tour vite de YouPorn? Mettons, t'es motivé, tu sais. Un après-midi du Kiwi. En tout cas, je dis ça comme ça. Non, mais tu mènes l'enquête, j'aime ça. Ben ouais, ben. Moi, je fais juste. Je ne suis qu'un vecteur, hein. C'est comme ça. C'est la métaphore de la métaphore. Je pense à ça. Imagine, Tommy, si on n'avait pas d'orifice anal. Non, mais nos rottes seraient-tu dégueulasses un peu? Mais imagine, hey, imagine. Tu fais du Mike Bold un peu, là, je trouve. J'essaye des affaires, qu'est-ce que tu veux? Et imagine si on avait juste un orifice anal. T'sais, on s'entend qu'aller au restaurant prendrait une autre signification. T'sais. Mais bon. Je te laisse avec cette image-là. C'est à toi. Elle est gratuite.com. En terminant, savais-tu, Tommy, que réduire son apport en gras, ce n'est plus tendance? C'est le ministre Barrette qui est content. Il a appris la nouvelle direct chez McDo. Pas pour rien qu'il y a des gros salaires, ce gars-là. Mais attends, ta gueule, Toto. Écris-en, puis on va voir après. Oh, snap! Et Toto se sauve. Tu l'as burned, c'ti. Voilà. Non, je sais, ce n'est plus tendance réduire son apport en gras. Mais n'ayez crainte, hein, pour celle... ou ceux qui se demandaient pourquoi virer débile cette année, le contrôle du poids reste quand même tendance. Hein? Comme quoi, à sujet varié, j'en reviens tout le temps à la même réponse, moi, Tommy. Ça fait 3 ans que je fais ça avec toi, puis inévitablement, à la fin de ma chronique, ça fait « va chier ». Mais moi, je suis ton ami. Merci, Mathieu. Mathieu Boudreau, là. Ah oui. Donnez-y. Ça, apprécie. À ce moment-ci de l'émission, c'est de bon ton de peut-être demander à Vincent Campbell, est-ce qu'il est dans la place? Monsieur Campbell! Est-ce que Vincent est dans la place? Vincent Campbell est demandé sur le stage. Mesdames et messieurs, on accueille le co-réalisateur du clip Le Pain Blanc, Vincent Campbell! Oui, oui, oui. En fait, Vincent, tu peux prendre le micro qu'il y a là. Je vais me lever, moi aussi. On va se tasser, on va fermer l'écran et opérer la transition tranquillement. Puis peut-être faire une petite entrevue en laissant les deux folles aller prendre leur place en arrière de la console. Vincent, est-ce que t'es un habitué des vidéoclips? Non, c'est le premier que je fais. Puis c'est une horreur. Non, il est génial. Ouais, ben écoute, c'est parce que vous allez voir un mamelon de Tommy, vraiment. Beaucoup. Ça fait vraiment peur. Ben oui, c'est sur les posters depuis longtemps. Il n'y a pas à vous êtes habitué au mamelon de Tommy. Ben oui. Sinon, peut-être une anecdote de tournage, quelque chose qu'on a... OK, ben... Marianne a loué une église. Et Tommy s'est vautré dans beaucoup, beaucoup de pain blanc. Beaucoup. On est en train de comme créer la chose qu'on a hâte de attends, voir. J'ai pas dit que tu t'es vautré nu dans beaucoup de pain blanc. Non, c'est vrai. Ce qui est pas vrai d'ailleurs parce qu'il te restait encore un caleçon. Oui, je pense. Mais moi je l'enlevais quand vous regardiez pas. Ça me on a détruit une TV, on a failli mourir. Non. Ouais, il y avait comme une légende parce que nous autres on pensait à un moment donné, on s'est fait dire qu'il y avait comme du fréon négatif plutoniaque. Ça c'est le fréon. On jase, on jase. Il y avait du fréon négatif plutoniaque dans les télévisions et que de la faire exploser, c'était pour tuer tout le monde. Là, il y a un moment donné, c'est comme passer dans la tête des gens. Finalement, on a crissé un coup de masse. Ouais, c'est pas arrivé. On n'est pas explosé. À date, à moins qu'on soit mort. Mais je sais pas, ça n'a pas aidé. Ça a pas aidé notre santé mentale. Là. Effectivement, mais. Sinon, merci beaucoup, Vincent. On espère que tu vas revenir nous parler de d'autres de tes projets. Est-ce qu'on est prêt à la console pour partir des clips des deux folles? Ben oui, on est prêt. C'est testé. Tu vois, regarde en arrière de toi, Tommy. Regarde en arrière. Regarde. Oh! All right, je me tasse. Good. Merci beaucoup, tout le monde. Sinon, c'était 70%. Ouais, j'en parle. Merci à Jean-Sébastien. Merci à Damien. Merci aux deux invités. C'était bien sûr Marianne et René. On a eu Andy. On a eu, j'oublie tout le temps quelqu'un, Mathieu, Simon Cussonnet, Bruno Corbin, Mafaite, Mohamed Chamli, Moustapha, Chinook, notre danseur, Yannick à la console, Élise au contact. On commence la soirée de visionnement là. Merci.